L'émission Chronique de Paris, réalisée aujourd'hui par Charles X Braya, est consacrée à Machiavel dans la série Prince de tous les temps. Seigneur Machiavelli, quelles sont les nouvelles de Florence ? Ah, le seigneur de Medici apprécie mon opinion, d'autant plus que lui-même n'en a pas qui lui soit propre. J'ai l'impression que c'est Machiavel qui était revenu sur Terre. On rencontrera aussi un personnage machiavélique et inquiétant. Sans foi ni loi, qui rêve de soumettre notre patrie et notre peuple courageux à leur dictat machiavélique. Quelle est la prochaine étape de votre plan machiavélique ? Parler de machiavélisme, c'est parler d'une chose que la plupart des gens connaissent mal. Machiavel n'est pas machiavélique. Ok, c'est dans la boîte. Voici résumé les préceptes donnés par Nicolas Machiavel à un prince imaginaire et qui assurèrent tout à la fois la fortune d'une politique qu'on appela le machiavélisme et assura l'éternité d'un homme auquel ses contemporains prêtèrent pas tellement attention. Rire grinçant, soif de pouvoir, bain de sang. Dites machiavélique et vous entendrez tout de suite machiavélique, soit le stratagème politique, le complot élevé au rang de principe, la dissimulation en guise de pouvoir. C'est que Machiavel, oui, Machiavel, incarne dans notre imagination le premier des conseillers politiques, de ceux qui, à la manière des cabinets de conseil, agissent dans l'ombre et tirent les ficelles de l'État, de ceux qui désirent moins le bien du peuple que la réussite du chef. Au fond, il incarne ce que nous craignons tous, que la politique ne soit pas faite pour nous, mais par et pour quelques-uns. Mais parce que refuser la naïveté et prôner le réalisme, ce n'est pas être immoral ni céder au complotisme, ne soyons pas machiavéliques, mais machiavéliens. Et lisons au pied de la lettre, toute cette semaine, Le Prince de Machiavel. Bonjour Sandro Landi. Bonjour. Vous êtes à Bordeaux, mais vous êtes avec nous depuis donc les studios France Bleu de Bordeaux. Je vous remercie. Vous êtes historien, merci, professeur à l'Université Bordeaux-Montaigne, directeur de la Maison des Sciences de l'Homme de Bordeaux. Alors on vous doit plusieurs ouvrages sur Machiavel. Le plus récent, c'est Le regard de Machiavel, penser les sciences sociales au XVIe siècle, qui est paru aux presses universitaires de Rennes en 2021. Comme c'est la toute première émission de cette semaine que nous consacrons au prince de Machiavel, d'abord, j'aimerais vous demander, Sandro Landi, quel conseil vous pourriez donner à celles et ceux qui ouvrent ce livre pour la première fois de leur vie. Et le conseil, c'est de le lire. Disons, le premier conseil, c'est de le lire en italien, en effet, parce que la traduction, c'est toujours compliqué. Mais de le lire en entier et de le lire donc en faisant attention à la complexité du texte. Je pense qu'il y a un véritable devoir de complexité par rapport à Machiavel. Alors, j'ai entendu évidemment l'adjectif machiavélique. On pourrait en faire une histoire qui est typiquement française par ailleurs. Mais donc, il y a effectivement une histoire de simplification qui remonte au XVIe siècle. Et je pense qu'aujourd'hui, on ne s'est pas totalement éloigné de cette posture intellectuelle qui consiste effectivement à exploiter une partie donc, de la pensée des Machiavel, donc à isoler par aphorisme. Et ça, c'est le machiavélisme, en effet. Et par contre, donc, il y a, je crois, une approche qui est philologique, qui consiste effectivement à lire le texte et à en saisir les complexités. Voilà. Mais je pense que c'est ça le premier conseil. Mais c'est vrai que le Prince de Machiavel reste un texte, on va dire, iconique, dont on connaît plus des citations que véritablement, qu'on connaît plus ouais, par citation que in extenso, on pourrait dire. Mais le lire, c'est quand même s'attendre aussi à des moments qui sont pas effectivement des moments de conseil politique. Il y a aussi des moments d'histoire, il y a des références à des personnages classiques, à des figures classiques de l'histoire. Donc ça peut être aussi à certains moments assez étonnant, pour ne pas dire parfois un petit peu rébarbatif. Je pense notamment au premier chapitre, hein, il y en a 26 en tout, mais on va dire quand même que les 14 premiers sont assez historiques et peut-être assez classiques. Oui, alors, effectivement, hein, y a un côté, comme vous dites, rébarbatif, complexe. Machiavel, il cherche dans son écriture, qui est par ailleurs une écriture en italien, toscan, dans florentin, extrêmement synthétique, limpide, transparent. Il cherche néanmoins, dans son texte, à complexifier la réalité, à la montrer sous différentes facettes, en fait. Donc, et parfois, effectivement, c'est un texte qui est, malgré donc son côté manuel, hein, parce que donc le texte est un texte très court, est un texte qui est lourd parfois, et on a tendance effectivement à escamoter un peu ce parti, disons moins simple. Moins dans la pratique aussi. Moins dans la pratique. Alors, pour être clair, cette tendance dans à escamoter Machiavel a commencé avec le contre-Machiavel d'Innocent Gentillet, qui date de 1576, qui fait une série dans un texte, donc un livre, hein, qui est publié après la massacre de Saint-Barthélemy, qui consiste effectivement à extraire de Machiavel une série de maximes. Donc, parce que justement, il se heurte, il le dit même dans son introduction, Innocent Gentillet, il se heurte au caractère double, complexe du texte machiavélien. Et donc, face à cette complexité, Gentillet, il choisit la voie la plus simple, et qui consiste effectivement à en extraire des aphorismes. Et je pense que cette lecture par aphorisme, qui a commencé justement au XVIe siècle, est fondatrice de l'anti-machiavélisme, hein, mais fondatrice plus en général de la critique machiavélienne, qui n'est tant qu'un aspect parfois donc de la pensée machiavélienne, en oubliant que la pensée des machiavéliennes est souvent double. Et donc en insistant uniquement en fait sur cette idée qu'on a, non pas de Machiavel, mais du machiavélisme, à savoir en fait que c'est l'entrée de la politique dans le mal et la justification en fait de faire le mal, c'est ça ? Oui. Donc, comme je vous disais, effectivement, le terme machiavéliste, hein, pas machiavélique, machiaveliste est fabriqué par Innocent Gentillet, qui est un huguenot, hein, donc, et qui effectivement c'est un mot chargé de ce sens, le sens que vous venez d'évoquer, c'est-à-dire l'idée que le machiavéliste est quelqu'un qui va à l'encontre des vertus telles que l'Église donc les conçoit, c'est-à-dire les vertus théologales et les vertus cardinales, donc qui n'hésitent pas donc à justement pour des raisons qui sont que l'on peut résumer donc des raisons qui relèvent donc de la conservation du pouvoir. Donc, c'est cette idée là qui est effectivement derrière cette lecture partielle donc du texte de Machiavel, mais qui est très ancienne, donc c'est très difficile de s'en défaire, très difficile. Une dernière question, Sandro Landi, avant qu'on écoute le tout début du Prince. Quand on ouvre ce livre-là, alors on a bien compris qu'il fallait ne pas s'arrêter à des a priori sur le machiavélisme et ne pas s'arrêter à des aphorismes, mais essayer de lire le texte en entier. Est-ce que lire ce livre, en ce moment, je parle parce qu'en ce moment on a des élections, beaucoup d'élections cette année en France, et que la politique est un sujet majeur qui est soumis à des crises institutionnelles, des crises de représentation, est-ce que ça peut changer véritablement notre vision de la politique ? Je pense effectivement. Alors, c'est très difficile de l'actualiser mais il faut prendre en compte une donnée qui est propre donc au texte et qui sûrement Machiavel avait pris en compte, c'est-à-dire donc le texte qu'il rédige. À partir de 1513, c'est un texte qui est valable, qui vise donc à donner des règles générales. Alors, c'est quelque chose qui est évident donc, et qui distingue aussi le texte de Machiavel par rapport à la tradition des miroirs des princes. Qu'est-ce que c'est les miroirs des règles générales. Alors, c'est une tradition très ancienne donc, de Speculum Principis, donc c'est une tradition ancienne de textes de formation qui s'adressaient donc à des princes, hein, donc l'archétype est la Cyropédie de Xénophon, donc quand ça est dédié sur Sirius, donc le fondateur du roi des Perses. et que Machiavel connaît par ailleurs. Et puis donc au Moyen Âge, il y a une très riche tradition, dont par exemple le texte de Thomas d'Aquin, De Regimine Principum. Voilà. Donc il y a toute une tradition. Pour terminer, si vous voulez, donc qui est totalement absolument contemporain donc du prince, c'est l'Institutio Principis Christiani Principis donc d'Erasme, hein, qui est publié en 1516, si vous voulez. Donc il y a vraiment une tradition, et Machiavel donc il se situe par rapport à cette tradition, et il vise donc dans son texte à donner des règles qui sont générales, et sont des générales, ça veut dire qu'ils sont valables pour le présent, qui sont pas parables pour le passé, parce qu'évidemment il puise dans les exemples donc classiques, il puise dans les exemples du présent, parce qu'il apporte donc sa connaissance directe de la réalité, et aussi évidemment ils sont valables aussi pour l'avenir. Donc il était très conscient de ça. Donc évidemment, donc le texte de Machiavel contient, et c'était dans l'intention machiavélienne, contient des règles qui sont potentiellement valables aussi pour aujourd'hui. Mais c'est très difficile, donc pour vous dire, oui, bien sûr, il faut le lire pour comprendre le présent, bien sûr. Mais voilà. Ceux qui désirent acquérir la faveur d'un prince ont coutume, le plus souvent, de venir à lui avec les choses qu'ils ont de plus cher ou dont ils voient qu'ils se délectent davantage. Aussi voit-on souvent qu'on leur fait présent de chevaux, d'armes, de tissus d'or, de pierres précieuses et semblables ornements dignes de leur grandeur. Désirant donc, pour ma part, m'offrir à votre magnificence avec quelques témoignages de ma soumission à son égard, je n'ai trouvé parmi mes biens nulle chose qui me soit plus chère et que j'estime autant que la connaissance des actions des grands hommes. Connaissance que j'ai apprise par une longue expérience des choses modernes et une continuelle lecture des anciennes. Les ayant longuement et avec grande diligence pensées et examinées et réduites à présent en un petit volume, je les adresse à votre magnificence. Cette œuvre, je ne l'ai ni orné ni rempli d'amples cadences ou de paroles ampoulées et magnifiques ou de quelque autre artifice ou ornement extrinsèque avec lequel nombre d'auteurs ont coutume de décrire et d'orner leurs propos. Car j'ai voulu, ou qu'aucune chose ne vous honore, ou que seule la différence de la matière et la gravité du sujet la rendent agréable. Je ne veux pas que l'on juge présomptueux qu'un homme de basse et infime condition ose examiner et régler le gouvernement des princes, car comme ceux qui dessinent les paysages se placent en bas dans la plaine pour considérer la nature des montagnes et des lieux élevés, et pour considérer celle des lieux bas se placent en haut sur les montagnes, de même, pour bien connaître la nature du peuple, il faut être prince, et pour bien connaître celle des princes, il faut être du peuple. On vient d'entendre le tout début du Prince de Machiavel interprété par Bernard Gabay. Alors on parle de préface, on parle aussi d'épître dédicatoire. Oui, puisque Machiavel s'adresse ici à Lorenzo de Médicis. Il lui adresse, dit-il, un bien modeste, à savoir un écrit, mais un écrit essentiel. Est-ce que Machiavel, ici, ne fait pas preuve de fausse humilité, Sandro Landi ? C'est très probable. Donc, il y a effectivement une attitude qui a été définie aussi comme courtisane, donc effectivement. Mais en même temps, c'est vrai qu'il... Alors, il est conscient que ce qu'il peut apporter, vu son état, hein, parce qu'en fait, il faut savoir, il faut recontextualiser. Ce texte a été rédigé à partir de 1513 et dès la fin de 1512, Machiavel est au chômage, donc, parce qu'il a été éloigné de la chancellerie de la République florentine. Les Médicis sont revenus au pouvoir après donc une parenthèse républicaine, donc dans laquelle Machiavel donc a servi la République, hein, en tant que chancelier de la seconde, en tant que secrétaire de la seconde chancellerie. Donc c'est un homme qui est qui est éloigné du palais, qui se retrouve dans une situation délicate, aussi bien d'un point de vue politique que d'un point de vue strictement matériel. Donc il doit quand même travailler. Et ça, c'est quelque chose qui justifie la rédaction du Prince. Alors, disons, la première occurrence donc du texte, on le retrouve dans la lettre à Francesco Vettori, qui est une lettre très célèbre, donc datée du 10 décembre 1513, dans laquelle il dit « j'ai rédigé un opuscule ». Alors, c'est la définition qu'il donne à ce texte, petit texte, donc. Mm-hmm. Et il donne le plan, en fait, de cet ouvrage. Alors, bien sûr, donc, il y a une attitude qui est une attitude courtisane, parce que Francesco Vettori, son ami, donc, est aussi l'ambassadeur à Rome de Léon X, de Giovanni de' Medici, qui est le fils de Laurent de Médicis. Donc, il y a une tentative évidente de Machiavel de revenir au pouvoir, de revenir. Et donc, le texte, évidemment, est un texte le texte de la dédicace est un texte courtisan, de ce point de vue. On ne peut pas le juger différemment. Mais, à part ça, donc, ce qu'il dit dans le texte, ce n'est pas, disons, courtisan, c'est beaucoup plus complexe, si vous voulez. Alors, ce qu'il dit dans le texte, c'est qu'effectivement, par rapport, donc, à la tradition du don courtisan, ce qu'il est capable d'apporter, c'est quelque chose très, très infime et très modeste, mais qui est essentiel, c'est-à-dire c'est un surplus de connaissances que personne ne pourra apporter. C'est-à-dire, au-delà donc de la modestie, vous voyez, du propos, il y a une très grande considération de soi-même. Et c'est le seul qui est capable d'apporter au prince ce surplus de connaissances. Il y a, disons, un surplus cognitif. Et il explique pourquoi à la fin. Le don est celui-là. Explique pourquoi à la fin du texte. Parce qu'il parle bien d'un double point de vue. Seul lui, exactement, en fait, a les deux génial. Points de vue. Il peut à la fois se placer. Il a pu se placer en haut parce qu'il a touché le pouvoir. Et en même temps, maintenant, il est en bas. Donc, il voit de loin le pouvoir. Exact. Alors, c'est justement cette variation de point de vue. Il dit. Così come coloro che disegnano paesi si pongono bassi nel piano a considerare la natura dei monti e dei luoghi alti e per considerare quella dei luoghi bassi si pongano alto sopra monti. C'est une magnifique métaphore qui est tirée très probablement de la cartographie, militaire et très probablement donc d'une proximité avec Léonard de Vinci qui dessine donc à la même époque donc il a rencontré Léonard donc en 1513 en mission à la cour de César Borgia et justement Léonard dessinait donc des plans de villes. Donc il est tiré de la carte. Ce que cette métaphore veut dire, c'est qu'en fait pour comprendre la réalité en politique est complexe et pour comprendre la réalité, il faut varier de point de vue. Et lui effectivement, c'est le seul dans ce contexte qui est capable d'endosser, de maîtriser, d'incarner deux points de vue. Évidemment, c'est la perspective, la métaphore de la perspective appliquée à la politique. Et on voit tout derrière, évidemment, tout le contexte des maîtres florentins, donc des peintres, donc des cartographes de cette époque. C'est assez fantastique, oui. À cet égard, est-ce que Machiavel incarne un renouvellement du conseil en politique, c'est-à-dire de ce genre de traité? Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, hein, Sandro Landi, il va rompre Machiavel avec ce texte, avec le principe des manuels du Moyen-Âge qui sont très moralisateurs, le miroir des princes, et en cela, il va être beaucoup plus réaliste, il va prôner une philosophie politique beaucoup plus réaliste, mais est-ce que là se joue, dès cette phrase-là, en fait, dès l'épître dédicatoire, cette idée de point de vue est donc d'être à la fois dans une dimension de paraître vis-à-vis du peuple qui ne fait que regarder, mais aussi dans la dimension de l'action. Et ça va être les deux axes un petit peu de la politique machiavélienne. Oui, je pense qu'effectivement, il y a une vraie volonté d'innover, d'innovation. Il est conscient donc de cette tâche qui lui incombe. Alors, il faudrait lire aussi la préface de discours sur la première décade des livres, parce qu'en fait... Qui est l'autre livre qu'il a écrit à peu près en même temps, c'est ça. il est contemporain, si vous voulez. Donc, à un moment, pour des raisons qui sont liées, effectivement, à ses besoins, donc à des nécessités, donc effectivement, de revenir au palais, il interrompt probablement en 1513 la rédaction des discours. Et voilà, il rédige donc une partie de... Le prince a une rédaction très longue, hein, probablement donc jusqu'à 1518. Mais donc, il faudrait lire aussi effectivement l'avant-propos des discours, dans lequel il dit, il se donne pratiquement une mission qui est tout à fait... La métaphore, là, donc, une métaphore de la navigation, il dit, en fait, je suis en train de découvrir des terres inconnues, des océans et des terres inconnues. Donc, il était conscient... Et donc, le parallèle, évidemment, avec son concitoyen Vespucci, donc, qui, à la même époque, donc, il a donné, donc, il navigue, donc, il a ensuite donné nom au nouveau continent, mais avec lequel il est en contact, par ailleurs, indirectement. Il est conscient, parfaitement conscient, donc, d'innover, de s'inscrire dans une tradition qui est celle, donc, effectivement, des miroirs des princes, et en même temps, de la dynamité, si vous voulez, de l'intérieur. De faire quelque chose qui, tout en ayant donc un aspect conforme, n'est pas du tout conformiste. Et c'est ça qui est assez extraordinaire dans ce petit livret. Il suffit justement de le... Mais on ne le fait pas souvent. Il faudrait le comparer, effectivement, au texte d'Erasme, qui est un chef-d'œuvre de conformisme. Ce texte qui est dédié donc à... Mais oui, oui, non, mais il faut le dire. C'est-à-dire, c'est un intellectuel de... C'est lui le courtisan, si vous voulez. Donc, c'est, dans son texte, il s'adresse au futur, à Charles de Bourgogne, c'est-à-dire à Charles Quint. Et il est parfaitement dans la tradition. C'est pas un texte, la preuve, on n'en parle pas souvent, si vous voulez. Pour voir vraiment la distance. Même jamais, on peut dire, je pense. On n'en parle vraiment presque jamais, alors que le prince est là. Le prince est là, et si vous voulez, pour contextualiser, c'est les mêmes années où sort aussi l'utopie, donc de Thomas More, hein, donc 1516. Donc c'est un texte Alors Utopia, probablement, il en avait donc connaissance par Francesco Vettori qui en parle. Donc parce qu'il a lu difficilement, mais il se situe donc directement par rapport à ces textes qui sont des textes très abstrait, qui prône donc des vertus qui ne sont pas réalisables, si vous voulez. Et donc il y a une véritable volonté de rupture. Il y a une conscience. Je crois que ça, ce n'est pas anachronique de le dire, de Machiavel, de rompre et d'innover par rapport à cette tradition. Et donc de la tradition du conseil, justement, oui. Je vous propose d'écouter maintenant un autre extrait du Prince. Alors là, on va être au cœur vraiment du texte, puisqu'on passe de l'épître dédicatoire au chapitre 15, qui est vraiment un chapitre charnière dans ce texte, où véritablement en fait est dévoilée la philosophie de Machiavel, et effectivement en quoi cette philosophie fait rupture non seulement avec des traités, des manuels politiques, mais aussi avec une certaine conception philosophique du pouvoir. Il reste à voir quelles doivent être les manières et les comportements d'un prince avec ses sujets et ses amis. Parce que je sais que nombreux sont ceux qui ont écrit là-dessus, je crains, en écrivant moi aussi, d'être jugé présomptueux en m'éloignant, surtout en débattant de ce sujet, des positions d'autrui. Mais mon intention étant d'écrire des choses utiles à qui les écoute, il m'a semblé plus pertinent de suivre la vérité effective des choses que l'idée que l'on s'en fait. Nombreux sont ceux qui se sont imaginés des républiques et des monarchies dont l'on n'a jamais vu ni su qu'elles aient vraiment existé. Car il y a si loin entre la manière dont on vit et la manière dont on devrait vivre que celui qui laisse ce que l'on fait pour ce que l'on devrait faire apprend plutôt à se perdre qu'à se préserver. Car un homme qui veut en tous les domaines faire profession en bonté, il faut qu'il s'écroule au milieu de gens qui ne sont pas bons. Aussi est-il nécessaire à un prince, s'il veut se maintenir, d'apprendre à pouvoir ne pas être bon et à en user et n'en pas user selon la nécessité. France Culture, les chemins de la philosophie. Géraldine Mosna-Savoie. C'était donc un extrait du Prince, chapitre 15, Prince de Nicolas Machiavel, interprété par Bernard Gabé. Extrait donc de ce chapitre qui s'intitule « Des choses pour lesquelles les hommes et surtout les princes sont loués ou blâmés », qui marque une véritable rupture dans le texte lui-même, mais qui marque aussi une rupture dans la philosophie politique. Et tout semble résider dans cette expression, sans drôle en dit, en tout cas en français, de « vérité effective ». Si, donc la vérité effectuelle. Et c'est un test fondamental aussi pour lui, parce que dans le plan de l'ouvrage que Machiavel énonce à Francesco Vettori, en fait, on parle de la première partie de l'ouvrage, c'est-à-dire ses premiers 14 chapitres. Le prince se compose de 26 chapitres. Mm-hmm. Et dans la première partie donc, de cet ouvrage, on parle donc de différents. Le texte s'appelle De Principati, c'est-à-dire sur les principautés. C'est une typologie, si vous voulez, donc, des différentes formes de pouvoir. Ce chapitre 15, donc. Dont il ne fait pas mention dans la lettre. Donc, il introduit une deuxième partie du texte, qui est la partie qui a justifié, après la mort de Machiavel, donc, la publication du Prince donc, un titre posthume, donc c'est en 1532, a justifié, si vous voulez, donc, le changement du titre. Parce que le texte de Machiavel, la première édition donc, romaine donc, de Plato, 1532, ne s'intitule pas « Des principautés », s'intitule « Le prince ». Parce que justement, à partir de ce chapitre-là, le regard de Machiavel va s'intéresser à la nature du prince. C'est un travail d'introspection, un travail de psychologie qu'il consacre donc, à la personnalité de celui qui tient l'État. Et ça, c'est quelque chose de novateur, probablement quelque chose de novateur par rapport aussi à son plan initial de l'ouvrage, mais sans doute quelque chose qui distingue l'ouvrage donc, de tous les autres ouvrages comparables, et ce qui justifie effectivement la fortune, parce que sinon ça ne serait pas justifié. Donc en gros, ce qui fait la fortune du prince, c'est les chapitres qui suivent donc, le 15, qui est en quelque sorte, la véritable introduction méthodologique, comme vous dites, au prince. Et ce qui est dit ici, c'est quelque chose de... Alors, la vérité, donc, l'expression italienne, donc, c'est donc vérité. Mais essendo l'intenzione mia stata scrivere cosa sia utile a chi la intende. Et ça, c'est disons, ce besoin d'utilité, effectivement, c'est de rendre utile, c'est-à-dire d'apporter quelque chose que les autres ne peuvent pas apporter, que seulement lui peut apporter, justement, c'est surplus de cognition, de connaissance. Il m'a semblé plus intéressant de suivre, un d'aller et d'être, c'est chercher, en fait, c'est rechercher, quoi. C'est presque une enquête, si vous voulez. C'est l'idée d'un d'aller et d'être, c'est quelque chose, chercher quelque chose, rechercher la vérité effectuelle. La vérité effectuelle, c'est une expression, c'est la seule fois que cette expression elle apparaît une seule fois dans l'ouvrage. Et ça dit l'importance de cette expression. Et c'est une expression qui est typiquement machiavélienne. On ne la retrouve pas ailleurs. Ce n'est pas un concept philosophique qu'on va recroiser. Ce n'est pas un concept philosophique. Non. C'est vraiment une invention machiavélienne qui a été traduite donc, par réalité. Parfois, donc, dans les traductions, dans certaines traductions françaises, on retrouve aussi réalité factuelle. Ah oui. C'est un peu un pléonasme. Oui, donc je pense qu'on peut le traduire par réalité. Réalité, c'est un mot, par ailleurs, qui n'apparaît jamais dans le lexique machiavélien. La vérité effectuelle, c'est tous ceux qui... je pense que c'est plutôt un postulat, est vrai, c'est-à-dire est réel, tous ceux qui produisent des effets. D'accord, la vérité se situe dans les effets. Dans les effets. Donc ça, c'est typiquement aristotélicien, si vous voulez, parce qu'il est imbu d'Aristote, ça, il ne faut pas l'oublier. Et dans les choses qui produisent des effets, il y a aussi des choses imaginaires, des rêves, des choses qui appartiennent donc à l'imaginaire collectif, mais qui produisent quand même des effets. Tout ce qui produit des effets. Donc il a pu constater, parce que dans la vérité effectuelle, si vous voulez, donc il a pu constater cette vérité complexe lorsqu'il est justement envoyé en tant que secrétaire de la République dans les cours ou sur les champs de bataille. Et il s'est rendu compte, par exemple, du caractère redoutable des choses imaginaires comme la rumeur. Et c'est un grand observateur de la rumeur, Machiavel. Et donc, il accomplit, par exemple, que tout ce qui produit des effets compose donc la réalité. La réalité est complexe et c'est ça l'objet de sa quête, de son enquête. Donc, ce qui est très intéressant, en fait, Sandro Landi, c'est que là, Machiavel nous dit la vérité ne se situe pas dans des notions abstraites et elle ne se situe pas non seulement non plus dans des faits, c'est-à-dire dans des choses qui se produisent, mais aussi dans des choses qui sont impalpables, c'est-à-dire des opinions, des jugements, des apparences. Absolument. C'est ça que nous dit Machiavel. Totalement. Finalement, la vérité, oui, c'est tout ce qui va avoir des conséquences. Exactement. Ce qui a un impact, si vous voulez, un impact, donc, qui peut avoir un impact, mais c'est un impact qui est vérifiable. Alors, il y a toujours le mot machiavélien typique qu'on retrouve souvent dans ses lettres, c'est riscontrare, c'est-à-dire vérifier. La vérité effectuale, c'est une vérité que l'on peut vérifier tout le temps, sous la base des sources, de formation, de contre-information. Et donc, c'est son travail de secrétaire, si vous voulez. C'est ça, c'est un travail extraordinaire, justement, de vérification. Mais effectivement, on se rend compte souvent que des fausses nouvelles, elles sont redoutablement vraies. Oui, c'est ça, ont des vrais effets. Mais alors, comment garder à la fois le concept de vérité, c'est-à-dire de vérité absolue? Par exemple, on l'a bien vu pendant la pandémie, il y a des choses qui étaient vraies et il y a des fake news qui circulaient. Et pourtant, ces fake news, vous l'avez dit, avaient des effets. Alors, comment distinguer la vérité scientifique de la vérité effective, c'est-à-dire de la vérité de ces conséquences qui ont des effets réels? Voilà. Je pense que Machiavel, lorsqu'il parle ici, s'intéresse simplement aux choses qui ont des effets. Alors après, La vérité scientifique n'est pas son objet. Dans son travail, oui, bien sûr. Il y a un autre niveau, si vous voulez, elle le voit bien dans son travail de chancelier, qui consiste effectivement à filtrer et à dire à ses supérieurs, faites attention. Ce que l'on dit, par exemple, sur le gouvernement florentin dans une ville. Dans une évidence sujette, ce n'est pas vrai. C'est de la pure rumeur, d'accord? Mais n'importe, cette rumeur, il faut la communiquer à ses supérieurs parce qu'elle a des effets. Donc, mais il est parfaitement conscient, dans sa correspondance, d'une distinction entre le vrai et le faux. Parce que, comme je vous disais, en fait, toute vérité imaginaire est passée au crible donc, de la vérification. Donc il sait, il est conscient donc, de cette distinction. Néanmoins, même ce qui est faux est terriblement vrai du point de vue des effets produits. Et ça, je pense qu'effectivement, la fake news, c'est un peu ça aussi. C'est en ça que là, le texte de Machiavel est véritablement contemporain, Sandro Landi, et puis aussi parce que il y a cette dernière phrase qui est incroyable. Aussi est-il nécessaire à un prince, s'il veut se maintenir, d'apprendre à pouvoir ne pas être bon. Alors, je ne sais pas quelle est la formulation en italien, mais le fait de procéder avec cette figure de style en donnant l'envers de ce que l'on veut dire, à savoir, c'est pas seulement ironique, c'est presque une litote, c'est-à-dire apprendre à pouvoir ne pas être bon. En fait, Machiavel veut nous dire apprenez à être mauvais. Et c'est là aussi où il y a un malentendu entre Machiavel et machiavélisme qui est presque justifié. Oui, donc là, oui. Alors d'abord, effectivement, si on suit donc sa méthode, qui consiste effectivement à regarder à rechercher la vérité effectuelle, on tombe sur un constat. Le constat, c'est que le monde dans lequel on vit est un monde qui, par rapport donc au principe de la morale chrétienne, est un monde à l'inverse, si vous voulez, et qui fonctionne à l'inverse. C'est un monde renversé d'un point de vue moral. C'est un monde d'après la chute. Et donc, si vous voulez, donc, vivre dans ce monde, gouverner dans ce monde, maintenir l'État dans ce monde, signifie construire, élaborer des règles de comportement et donc aussi des règles de morale qui sont adaptées à ce monde à l'envers dans lequel nous sommes plongés. Et donc, effectivement, dès la recherche de la vérité effectuelle débouche sur une morale. Et cette morale, donc, est une morale qui est adaptée à ce monde réel. Et effectivement, dans ce monde réel, si, il dit donc, si on suit les règles générales, c'est-à-dire la règle générale d'être toujours bon, quoi, qui est la règle qui nous est dictée, enfin, la religion chrétienne notamment, Et on constate qu'on va vite à la ruine. Et donc, l'idée, c'est qu'effectivement, dans un monde à l'envers, le monde à l'envers est un monde d'exception. Et donc, il faut tout le temps répondre donc, au contexte avec des réponses qui sont adaptées et qui n'excluent pas le recours au mal. Et la phrase, effectivement, est une phrase très chargée. On est nécessaire volendo si uno principe maintenir, donc se garder, donc garder au pouvoir, imparare a poter essere non buono, apprendre à ne pas pouvoir être bon. Alors encore une fois, donc, et puis le mot nécessaire, effectivement, non essere buono et usarlo et non usarlo selon la nécessité. Donc effectivement, c'est une possibilité. Ce n'est pas du tout la seule voie, c'est une possibilité qui est dictée par une sorte de quelque chose qui est la nécessité, qui est très proche donc, de la figure grecque, de l'ananké, hein, donc de la quelque chose qui est inéluctable, le fatum donc, grec, romain, latin. Quoi. C'est quelque chose qui est là, que vous ne pouvez pas faire semblant de ne pas voir et qui vous oblige à prendre des décisions. Mais l'une des décisions, justement, l'une de ces décisions possibles est justement le mal. Mais c'est l'affaire McKinsey. Les dépenses de conseil ont atteint la somme de 893,9 millions d'euros. Vu les mouvements de foule, on se doute qu'Emmanuel Macron est juste derrière. Que quiconque a la preuve qu'il y a une manipulation mette le contrat en cause au pénal. Alors, sur article le non-paiement de l'impôt sur les sociétés. Non, mais là, il faut être très clair, parce qu'on a l'impression qu'il y a des combines. Emmanuel Macron a utilisé une vingtaine de membres du cabinet McKinsey pendant sa campagne électorale de 2017. Qu'il demande des prestataires extérieurs pour les aider ne me choque pas. Comme retour d'ascenseur, on fait difficilement mieux. Nous allons nous assurer que McKinsey paye les impôts qu'il doit à la France. Notre gouvernement l'a pris en conscience que c'est trop, que c'est too much, et bien sûr. Mais par contre, tout le monde le fait, tout le monde a ses bons espaces. Mais ça ne fait pas de nous un mauvais candidat ou un scandale d'État, non, non, non. Il faut comprendre qu'un prince, et surtout un nouveau prince, ne peut observer toutes les choses pour lesquelles les hommes sont jugés bons, étant souvent contraint, pour maintenir son pouvoir, d'agir contre sa parole, contre la charité, contre l'humanité, contre la religion. Aussi faut-il qu'il ait un esprit disposé à tourner selon ce que les vents de la fortune et les variations des choses lui commandent, et, comme je l'ai dit plus haut, ne pas s'écarter du bien s'il le peut, mais savoir entrer dans le mal, y étant contraint. Un prince doit donc avoir grand soin de paraître, à le voir et à l'entendre, toute miséricorde, toute bonne foi, toute droiture, toute humanité, toute religion. Et il n'est pas de chose plus nécessaire à paraître avoir que cette ultime qualité. Les hommes en général jugent plus selon leurs yeux que selon leurs mains, car chacun a la capacité de voir, mais peu celle de ressentir. Chacun voit ce que vous paraissez, peu ressentent ce que vous êtes. Ce petit nombre n'ose pas s'opposer à l'opinion du grand nombre qui a la majesté de l'État pour le soutenir. Dans les actions de tous les hommes, et surtout des princes, où il n'est pas de tribunal à qui recourir, on considère la fin. Qu'un prince, donc, s'efforce de vaincre et de conserver son pouvoir, les moyens seront toujours jugés honorables et loués de tous, car le vulgaire est convaincu par les apparences et par l'issue des choses. Dans le monde, il n'y a que le vulgaire. Le petit nombre n'y a pas de place, alors que le grand nombre a où s'appuyer. En mars 2022 a eu lieu ce qui commençait à être une affaire d'État, à savoir en fait la sortie de cet appel récurrent en fait du gouvernement et du président Emmanuel Macron au cabinet de conseil McKinsey, ce qui a donc fait une polémique non seulement en termes de représentation financière, c'est-à-dire que c'était vraiment des énormes sommes, il y a aussi eu à un moment donné des soupçons d'impôts qui n'étaient pas payés, et puis il y a aussi cette question quand même de l'influence du conseil. Justement, un conseil, est-ce un conseil ou est-ce toujours une sorte d'influence? Et effectivement, est-ce que ce conseil doit toujours avoir lieu dans le secret et échapper à l'apparence? C'est ce qu'on a entendu aussi dans cet extrait du chapitre 18 de Machiavel, hein, du Prince, lu par Bernard Gabay, où on entend bien cette importance de l'apparence, ce qui entretient cette idée justement du machiavélisme comme secret, comme fomentation du mal dissimulé des citoyens, Sandro Landi. Oui, alors c'est un chapitre d'une redoutable complexité. Par rapport à l'influence, il est certain que Machiavel ne visait pas simplement avoir un rôle d'intellectuel. Hein, donc c'était aussi quelque chose. Donc il avait un côté pratique, notamment donc dans ses échanges avec le pouvoir médicin, donc, juste après le retour des Médicis fin 1512. Il y a un texte qui n'est pas trop connu, mais qui est le texte donc, qui probablement donc, il a rédigé avec le frère de Francesco Vettori, il s'appelle Les Ricordi. Donc, et il décrit un personnage, un personnage qui est capable de voir les choses de loin, qui est un personnage qui aurait sa place au pouvoir dans le palais et qui aurait donc effectivement un rôle de conseil actif du pouvoir médicin, donc du prince. Donc effectivement, ce n'est pas du tout abusif de penser qu'effectivement Machiavel, donc à travers le prince, a voulu aussi avoir un rôle, jouer un rôle d'influence. Mais évidemment, ce n'est pas du tout, je pense, dans la logique des cabinets. Et c'est toujours dans le conseil se situe chez Machiavel toujours dans la capacité de montrer au prince le caractère double de la réalité, la complexité de la réalité et la complexité aussi de l'action du prince par rapport à cette réalité. Et la question des lettres paraître, justement, se situe à ce niveau-là. Parce que, si vous voulez, donc, le prince est quelqu'un, c'est cet être assez extraordinaire, c'est parce qu'il sait ce qu'il est capable de varier de nature et de paraître. Il peut jongler entre l'être et le paraître. C'est le seul qui est capable de ça, si vous voulez. Qui est capable de jongler. Avant, dans la partie, donc, la première partie du texte, donc, il y a aussi le parallèle donc, avec le monde animal, le lion, le renard. Le prince aussi capable de varier de nature, c'est-à-dire selon les circonstances, c'est parce qu'il connaît son humanité, de rentrer dans l'animalité, de maîtriser son animalité. Et donc, pareillement, donc, il est capable de maîtriser ses apparences parce qu'il est maître de son être. Et c'est parce qu'il sait ce qu'il est capable d'apparaître. Et l'apparence, alors tout ce qui est dit ici sur l'apparence, sur le paraître, c'est parce que ça c'est pas nouveau. Si donc dans la République des Platons, on dit que le paraître gagne toujours sur l'être. Donc il y a probablement des influences platoniciennes dans tout ça. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'en fait, c'est le fait que l'être politique. En fait, ce qui est intéressant d'un point de vue politique, ce n'est pas l'être. Les gens s'en fichent de ce que tu es. Ton être, l'être politique, correspond au paraître, si vous voulez. C'est la manière d'être politique, c'est le paraître. Ce qui est intéressant ici, c'est que cette manière d'être politique qui correspond au paraître coïncide avec le point de vue de la multitude, c'est-à-dire de l'ensemble de gouvernés. Qui est ici donc l'universal, donc c'est une phrase, l'une des passages les plus intéressants du texte, justement, c'est celui donc, dans lequel effectivement il fait une sorte de hiérarchie des sens, hein, et il dit qu'en fait la majorité des gens se limite à la vue. Mais c'est tout le problème. Une sorte de C'est, oui. C'est tout le problème de la philosophie, disons, de que pose ici Machiavel. C'est-à-dire que cette dichotomie entre l'être et le paraître, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, Sandro Landi, à moins que vous parliez à travers la voix de Machiavel, pour dire que le peuple s'en fiche de l'être du prince qui va compter, en fait, ça va être l'apparaître de sa politique. Le problème, c'est qu'on se dit tout le temps que ce qu'il va faire comme politique est une politique de l'apparence et que derrière cette apparence-là va se jouer, vont se jouer des enjeux qui vont nous dépasser, nous citoyens, et qui vont peut-être aller contre l'idée qu'on se faisait de ces apparences-là. Et donc qu'il se joue une double politique, une qui est dans notre dos et une autre que l'on peut voir. Le paraître, c'est-à-dire le paraître est ce qui apparaît. Ce n'est pas forcément en contradiction avec l'être. C'est-à-dire qu'en fait, comme il le dit dans le texte, on peut être charitable et l'être. Mais il est censé, c'est de paraître. C'est-à-dire c'est la seule chose qui existe d'un point de vue publiquement. On en revient à la vérité la effective, c'est ça? Oui, encore une fois. C'est-à-dire la seule réalité effective, la seule vérité effective est le paraître. C'est ça, c'est-à-dire l'être public est le paraître, si vous voulez. Mais ce n'est pas forcément en contradiction avec l'être. Il peut l'être, mais peut-être pas. Donc il n'y a pas forcément une, il n'y a pas forcément, si vous voulez, donc une volonté de tromper là-dedans. Je ne pense pas du tout. Mais ce qu'il dit, c'est qu'en fait, ce qui est important, c'est que ce qui est jugé, c'est justement ce que l'on voit. Et ce que l'on voit correspond à la perception de la réalité de la majorité des hommes. Là, dans l'universal, et donc c'est l'homini universal, c'est vraiment une sorte de généralisation anthropologique. Il y a tout là-dedans. Ce n'est pas simplement le peuple, au sens, disons, de classe sociale. Il y a les hommes, les femmes, tout le monde. Quand il dit le terme, les hommes en général, c'est ça? Gli uomini universali, oui. En italien, c'est gli uomini in universali, c'est-à-dire si on le juge d'un point de vue universel, généralement parlant, il y a une sorte de généralisation anthropologique. Donc c'est vraiment au sens le plus large possible. Il y a la distinction qui se fait entre ceux qui savent, parce qu'ils touchent la réalité, ce qui est dit ici, en fait, perché tocca vedere a ognuno, c'est-à-dire tout le monde peut voir, sentire a pochi, peuvent toucher les choses. Et donc il y a cette distinction entre tact et la vue, qui est aussi une distinction fondamentale entre ceux qui sont proches du pouvoir et qui savent comment les choses fonctionnent, et la multitude, donc la masse des gens qui est à l'extérieur et qui ne peut que voir. Et là, si vous voulez, donc, ça c'est quelque chose qui est valable, qui était valable à Florence 1513. Et il est valable, évidemment, dans tout autre contexte. Et ça, si vous voulez, donc, c'est la capacité aussi des généralisations de Machiavel. Je vous propose, Sandro Landi... Je ne sais pas si c'est machiavélien. Oui. Je vous propose, Sandro Landi, d'écouter un dernier extrait, un tout dernier extrait que vous aurez le temps un tout petit peu de commenter. C'est un extrait d'une pièce que vous nous avez recommandée, d'un dialogue aux enfers entre Machiavel et Montesquieu. Sur les bords de cette plage déserte, on m'a dit que je rencontrerais l'ombre du grand Montesquieu. Le néant lui-même n'a pu briser tous les liens qui nous rattachent à la terre. La postérité s'entretient encore de ceux qui, comme vous, ont imprimé de grands mouvements à l'esprit humain. Vos principes politiques règnent à l'heure qu'il est sur près de la moitié de l'Europe. Vous ne parlez point de vous, Machiavel. C'est trop de modestie. Quand on laisse après soi l'immense renommée de l'auteur du Traité du Prince... Et je crois comprendre l'ironie qui se cache sous vos paroles. Ce livre m'a rendu responsable de toutes les tyrannies. Il m'a attiré la malédiction des peuples qui ont personnifié en moi leur haine pour le despotisme. Je n'ai jamais pu comprendre comment le patriote florentin, comment le serviteur d'une république, s'était fait le fondateur de cette école, qui vous a donné pour disciple toutes les têtes couronnées, mais qui est propre à justifier les plus grands forfaits de la tyrannie. Mon seul crime est d'avoir dit la vérité, au peuple comme au roi. La vérité telle qu'elle est, telle qu'elle sera toujours. Ce n'est pas moi qui suis le fondateur de cette doctrine dont on m'attribue la paternité. C'est le cœur humain. Le machiavélisme est antérieur à Machiavel. On ne pouvait pas faire plus clair comme extrait Sandro Landi pour dire cette distinction entre le machiavélisme et Machiavel, puisque c'était donc le personnage de Machiavel qui discute avec Montesquieu. On peut les rapprocher, ce sont deux philosophes qui ont une approche plutôt réaliste de la philosophie politique, à l'inverse de Hobbes ou Rousseau. Et là, donc, ils discutent de leur politique et Montesquieu rappelle à Machiavel qu'il est responsable d'un certain nombre de tyrannies. Et alors, j'ai appris en préparant cette émission, Sandro Landi, qu'effectivement le prince avait été lu par Bonaparte, que la fille de Staline avait fait une thèse sur Machiavel, que Mussolini avait consacré un petit essai à Machiavel en 1924 et que c'était le livre de chevet de Catherine de Médicis, dont on a parlé tout à l'heure, qui est donc à l'origine de la Saint-Barthélemy. Donc finalement, est-ce que Montesquieu est complètement dans le tort quand il dit que Machiavel a créé le machiavélisme? Mais Machiavel de lui répondre aussi, mais en fait, le machiavélisme n'est que le nom en fait, de l'humanité. Oui, d'abord, je pense que le machiavélisme est une possibilité de Machiavel. Ça, c'est une possibilité, c'est-à-dire qu'en fait, rien n'empêche effectivement d'utiliser ce texte dans ce sens. Et c'est effectivement l'usage historique, hein, les exemples que vous avez... Que vous avez cité, donc à partir de... Alors Catherine, c'est complexe, on ne sait pas exactement s'il y avait effectivement... Alors oui, y a sûrement le test circulé à la cour, hein. Alors, y a des Florentins, et le test circulé, pas que, mais on peut lire effectivement aussi la Saint-Barthélemy comme une sorte de choix entre un mal majeur et un moindre mal, hein, qui est, ça c'est typiquement qui est machiavélien, hein, donc ça mériterait effectivement l'attention, ça, c'est-à-dire le mal est toujours le moindre mal pour Machiavel. Et donc effectivement, on peut situer peut-être par rapport à ce dilemme, hein, entre un mal majeur qui est la perte de l'État et un moindre mal qui est, voilà, faire des choses contre la morale. On peut situer effectivement la lecture du texte de Machiavel dans ce contexte-là, à la cour de France. Mais ça ouvrirait donc des perspectives que l'on ne peut pas épuiser ici, évidemment. C'est complexe, quoi. Et puis effectivement, il y a toute une série de lecteurs. Vous avez peut-être oublié Hitler. Hitler, donc. Ah, je ne savais pas pour Hitler. Hitler. Voilà, ouais, c'est. Donc il y a effectivement. C'est terrifiant, tout ça. N'empêche effectivement que. Moi, je pense que le texte de Machiavel, il n'est pas anodin de ce point de vue. Donc il n'est pas innocent. C'est-à-dire, c'est un texte qui se prête aussi à ces lectures. Mais c'est-à-dire, c'est toujours des lectures. Unilatérale, partielle, qui ne prennent pas en compte l'autre aspect, la complexité du texte qui est là et qui fait sa richesse, si vous voulez. Et que nous, en tant que lecteurs contemporains, spécialistes aussi, on ne peut pas oublier. Je pense qu'on ne peut pas escamoter, voilà. C'est ça que je voudrais dire. Alors, pour ce qui est du texte de Joly, Maurice Joly, c'est un texte assez extraordinaire. Donc c'est la pièce. Hein. On va devoir bientôt se quitter. C'est une pièce de théâtre. Oui, c'est une pièce. C'est une pièce qui est aussi jouée parfois encore. Et il faut pas oublier une chose, que ce texte-là est la matrice des protocoles des sages des Sions. C'est-à-dire qu'en fait, dans le texte que vous avez cité, c'est-à-dire le texte donc le dialogue aux enfers, dans lequel Machiavel joue le machiavélique. Il dit par exemple, alors c'est évidemment dans le contexte de la Deuxième Empire, hein, il dit, voilà, pour gouverner, il faut par exemple manipuler donc les journaux, il faut contrôler les formations et il faut contrôler les banques. Et ces propos-là, ils sont tels quels, hein, pratiquement, repris en 1907-8 par un officier de la police tsariste qui construit donc ce fake, énorme fake, qui est donc le protocole des sages des Sions. Et en gros, les sionistes prennent la place de Machiavel. Voilà, c'est assez impressionnant. Mais donc, ce texte-là est un texte matriciel, effectivement. Merci. Dans lequel le machiavélisme, voilà, annonce quelque chose de plus, encore plus terrible. Merci beaucoup Sandro Landi. De vous, on peut lire Le regard de Machiavel, penser les sciences sociales au XVIe siècle. C'est aux éditions Presse universitaire de Rennes. D'autres ouvrages aussi que nous mettons en ligne sur notre site. Merci beaucoup d'avoir ouvert cette semaine sur Le Prince de Machiavel. Il est 10h54, bientôt 10h55. Vous écoutez France Culture et c'est l'heure de retrouver comme tous les jours la chronique de Frédéric Worms, le pourquoi du comment. Comment définit-on une génération ? Il nous semble évident de nous situer dans l'histoire par une idée, une notion qui est en fait biologique, qui est la notion de génération. Nous disons que pour comprendre tel ou tel phénomène de l'époque, c'est une affaire de génération. Autrement dit, une affaire qui distingue les parents et les enfants. Le terme de génération, c'est bien entendu un terme d'origine biologique, je n'ose pas dire génétique, justement, un terme qui distingue finalement dans la tranche d'âge d'une vie humaine ou de la période où l'on donne naissance à des enfants, bah une coupure historique et finalement il y aurait une différence quasi d'âge qui déterminerait une différence de perception de l'histoire et entre les parents et les enfants, les pères et les fils, disait Tourguenieff dans une rupture historique majeure à la fin du 19e siècle, comme plus tard Dostoïevski le reprendra, bah entre les pères et les fils, c'était à la fois une différence biologique et une différence historique. Est-elle légitime, cette analogie, cette métaphore? A-t-on raison de nous distinguer entre nous en termes de génération, comme si la capacité à engendrer des enfants à partir de la puberté faisait de nous déjà des adultes et la génération d'après allait nous succéder dans l'histoire d'une manière à la fois mécanique et peut-être aussi complexe et conflictuelle? Eh bien justement, c'est là que la différence doit être méditée. Qu'est-ce qui définit vraiment une génération? Est-ce que c'est la continuité, l'image biologique de la continuité, ou est-ce que ça n'est pas, beaucoup plus profondément et allant au-delà de l'idée même de génération, l'idée d'une rupture? Dans Pères et Fils de Tourguenieff, comme dans les romans de Dostoïevski à la même époque, on voit le conflit des générations. La génération se définit par rupture avec la génération précédente. La psychanalyse arrivera bientôt au début du XXe siècle avec l'idée du parricide comme l'acte fondateur de l'adolescent, de l'enfance même, dans le complexe d'Oedipe. En tout cas, le conflit entre les générations est peut-être la vérité de la génération, de telle sorte que penser en termes de génération, se définir comme, pour ma part, quand j'étais adolescent, la génération Mitterrand, pour d'autres comme la génération Bataclan, terme très ambigu, problématique, qui marque une génération par un attentat terroriste au cœur de Paris. Qu'est-ce que cela veut dire exactement? Cela veut dire qu'il y a des événements qui font rupture, qui marquent des discontinuités. Et peut-être que ces discontinuités, ces ruptures, qui marquent en effet des conflits, ne sont jamais seulement des événements politiques, mais toujours aussi des ruptures plus profondes, des ruptures scientifiques, des ruptures de vision du monde. Par exemple, sur le climat qui tout à coup, en effet, renverse nos priorités globales et peut-être aussi alors que ces ruptures historiques peuvent unir plusieurs générations. Peut-être que nous sommes unis à plusieurs générations sur cette question biologique du climat qui dépasse la métaphore trop facile des générations et qui désigne plutôt des époques de l'histoire. Pop, Machiavelli. Expect me, nigga, like you expect Jesus to come back. Expect me, nigga, I'm coming. Merci beaucoup Frédéric Worms. On se quitte avec Tupac qui, figurez-vous, s'est inspiré de Machiavel, a lu Le Prince en prison et a choisi après le pseudonyme de Machiavelli. Un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie, Manon Delasselle, Thaïs Éloi Hammer, Jules Barbier, Antoine Ravon, Anaïs Isbert, avec Nicolas Berger à la réalisation, à la prise de son aujourd'hui Anthony Thomasson. Merci aussi aux équipes de France Bleu à Bordeaux pour le duplex avec notre invité et merci à Bernard Gabet à la lecture des textes. On se retrouve demain pour la suite de notre semaine machiavélienne et demain on parlera acuité, occasion à saisir, comment le prince doit savoir percevoir et attraper le bon moment pour agir. Ce sera avec Thierry Manissier. À demain.